Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le but de la sport complet de l'édition du 11 octobre. On va ouvrir d'abord le but de la sport local et régional en parlant des Saguenay de Chicoutimi qui ont fendu l'air à deux reprises au cours de la fin de semaine. Les Saguenay qui ont perdu 3-1 contre les Huskies de Rouyn-Noranda et l'excellent Gilles Bouchard. Et samedi, défaite de 6-2 contre ces mêmes Huskies. Nicolas Roy et Vincent Lapame ont compté les buts pour les Saguenay. Du côté de Shawinigan, les Cataractes ont gagné 7-1 contre les Foreurs. 4 passes pour l'excellent Samuel Girard. Et dans l'autre match, autre victoire des Cataractes, 6-5 contre Acadie Batters. Et dans le match, Samuel Girard a amassé 3 passes, ce qui fait en sorte que Samuel Girard a été sélectionné la 3e étoile de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Maintenant, on va parler sur la scène régionale également. Les Marquis de Jonquière ont bien entamé leur saison à domicile samedi en l'emportant 6-1. Hugo Carpentier a dirigé l'attaque des gagnants avec 2 buts, 3 passes. Il y a Steven Chaput qui a marqué 1 but, 3 passes. Alexandre Kisnel, 1 but, 3 passes, de même que Jérémy Malouin. Et Simon Tremblay de Dolbeau-Mississigny a été blanchi. Et dans l'autre match, gain des Marquis 6-4 contre Laval. 1 but, 2 passes pour Jérémy Malouin, Christian Ouellette et également Jean-Sébastien Birubé. Tant qu'à Sébastien Chaput, Alexandre Quesnel et Jérémy Vigneault-Bélanger, ils ont fait bouger les cordages également. Ligue junior régionale, les Éperviers de Normandais ont une fiche de 500. Les Éperviers qui ont gagné 6-1 contre les Sabres de Robertval. Et au centre sportif, Mario Tremblay, dimanche soir, défaite des Éperviers 4-3 contre les Aiglons d'Allemagne. Et victoire très difficile du côté du Marcos Pop de Saint-Félicien, 3-2 contre les Marquis de Jonquière. Ça se passait samedi. 2 filets pour Mathieu Deblois et également Charles-Éric Rochefort qui a aussi compté. Et vendredi, le Marcos Pop a gagné 6-2 contre les Vikings de Baie-Comeau. Les ambassadeurs de Chibougamau ont joué pour 500 en fin de semaine. Défaite de 2-0 contre Baie-Comeau et ils ont gagné 3-1 contre ces mêmes Vikings. Ligue Bantam Régionale maintenant, belle victoire des Rapides de Dobo-Sissny 4-1 sur les Marquis de Jonquière. Tant qu'aux Hurricanes de Mastouillage, ils ont joué pour 500, ils ont entre autres perdu 6-5 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Parlons maintenant d'athlétisme. Alex Bussière de Dobo-Sissny est en action en fin de semaine à Vaudreuil. Et Bussière a terminé au premier rang avec un chrono de 5 minutes 57 secondes. La prochaine compétition pour le coureur d'ici aura lieu le 3 décembre prochain. Sport local et régional, adanradiosport.com. On s'en occupe.